Ce podcast a été enregistré le 11 novembre, 2 jours avant les attentats de Paris. L'équipe de Resseuse Radio a évidemment été choquée, comme vous tous, par ces attaques et nous tenions à adresser, avant ce podcast, notre soutien à toute personne affectée directement ou indirectement par ces attentats. Notre mission aujourd'hui reste de vous parler catch et si cela peut vous permettre de penser à autre chose pendant une petite heure, nous en serons déjà contents. C'est Resseuse Radio, spécial vintage, avec Rubenito. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Vintage Resseuse, spécial Survivor Series 1990. On est à Hartford, dans le Connecticut, au Hartford Civic Center, le 22 novembre 90, et donc c'est Survivor Series. Pour nous parler de ça ce soir, rien de mieux que les Brothers of Destruction. Donc le premier met un masque parce qu'il vaut mieux pas qu'on voit sa gueule, c'est Brousty. Bonsoir Brousty. Oui, bonsoir tout le monde, je sentais venir, je sais pas pourquoi, mais... En effet. Et le deuxième fera ses débuts ce soir, non je plaisante, c'est Renaud, la bible de Wrestles Radio, l'homme qui est là depuis 25 ans. Avant même que on démarre la radio, il était déjà là à raconter des anecdotes. C'est Renaud, bonsoir Renaud. Bang ! Salut Rubinito, salut à tous. Oui, je faisais déjà chier ma famille avec les anecdotes de catch. J'étais tout petit. Et maintenant, tu fais chier tout le monde entier. Les anecdotes de catch. Exactement, c'est ça. Donc on va démarrer ce Survivor Series 1990 où il y a eu que des matchs à élimination. D'ailleurs, récemment, on a un catch-moi si tu peux sur l'intérêt ou en tout cas l'état dans lequel les Survivor Series en 2015. On disait justement que ce qu'il y avait de bien maintenant, c'était qu'il n'y avait pas que des matchs à élimination. Et là, à cette époque-là, c'était vraiment que des matchs à élimination. Donc on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. On se retrouve un peu juste après le générique de tous les Survivor Series de cette époque-là. Et à tout de suite. Donc nous voilà de retour à Hartford Civic Center dans le Connecticut. Donc il y a eu un dark match dans ce Survivor Series qui a opposé Shane Douglas au Playboy Buddy Rose. Est-ce qu'il y en a un qui l'a vu de vous deux, Renaud peut-être? Non, je l'ai pas vu, mais on peut juste dire que Buddy Rose, il a pas du tout une grande carrière, mais c'était l'exécutionneur. Il avait ce rôle-là dans le premier WrestleMania. Parce qu'il avait affronté Tito Santana dans le match d'ouverture, donc il est connu pour ça, quoi, pour avoir été l'exécutionneur dans le match d'ouverture du premier WrestleMania d'histoire. Il avait perdu, mais sinon il n'a pas eu de carrière. Non. Ouais, Shane Douglas a fait sa petite carrière. Exactement, lui Shane Douglas, si on veut vraiment retrouver des gros gros matchs de Shane Douglas, faut se tourner vers la ECW où là il était un main eventer confirmé. D'accord, très bien papy. Donc tout de suite le premier match de style Survivor Series qui opposait la team Ultimate à la team Perfect. Donc la team Ultimate a été composée de l'Ultimate Warrior bien sûr, des Legion of Doom, Hawk et Animal, et le Texas Tornado, entre parenthèses que je n'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc était opposée à la team Perfect, donc Perfect accompagné de Bobby Heenan, les Demolition, Axe, Smash et Crush accompagné de Mr. Fuji. Le match a duré un peu moins de 15 minutes et a vu l'équipe de l'Ultimate Warrior s'imposer avec comme seul survivant l'Ultimate Warrior. Donc bon, c'était un bon petit opener. On va voir ce que notre ami Kane Brousty masqué en a pensé. Ouais, en effet, c'était bon. Petite précision, en fait, l'Ultimate Warrior en dernier survivant a gagné son ticket pour Main Event aussi, parce que les survivants des matchs à chaque fois étaient qualifiés pour Main Event. Voilà, c'était la seule fois d'ailleurs où c'est arrivé hein, dans les Survivor Series. Oui, ils l'ont jamais refait depuis. Ouais, je pense, ouais. Parce que ce qui est gênant, c'est que t'es obligé, du coup, de faire gagner 4 face et 4 heal, quoi. Sinon, enfin, surtout à cette époque-là. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, vas-y. On va voir que c'était pas le cas, en fait, à l'arrivée. Mais après, bon, je dirais logique victoire des favoris. Faut savoir évidemment que Ultimate Warrior était quand même le champion de la WWF à l'époque, que Texas Tornado était le champion intercontinental. Donc, ça a donné qu'on a eu une disqualification un peu conne quand même avec les deux équipes. Et puis ça a laissé donc Mr. Perfect en infériorité face aux deux autres, là, Ultimate Warrior et Texas Tornado. Moi, j'ai peut-être laissé Renaud parler de Texas Tornado quand même, je vais pas tout prendre non plus. Mais ouais, c'était quand même assez sympa. J'ai bien aimé Mr. Perfect notamment, quand même, qui était très très bon dans ce match. Donc, je l'aime beaucoup en général. Moi, pour moi, Mr. Perfect, à la vue de ce match, j'ai l'impression que c'est le seul qui a un catch qui pourrait s'adapter aujourd'hui sur les 8 qu'il y avait là. Je sais pas ce que t'en penses, Renaud, mais c'est moi, c'est l'impression qui ressort pour moi de ce match-là. Ouais, je te rejoins sur le cas de Mr. Perfect, qui est un catcheur hyper complet, hyper intéressant, qui était en avance en fait sur son temps à ce moment-là, un peu comme Bret Hart. Et c'est très bon ce qu'il fait, et c'est vrai qu'à la fin, bon, il survit, enfin il survit, il va perdre, mais il est tout seul face aux deux monstres. C'est ça, hein, il y en avait deux à la fin, c'est bien ce que je... Il y avait Warrior et Texas Tornado. Ben, Texas Tornado, c'est Kerry Von Erich, hein, c'est une famille hyper connue du catch, les Von Erich. C'est le fils de Fritz et un des frères de David et Kevin, c'est les deux qui ont vraiment marché. Depuis, il est décédé, je crois qu'il s'était suicidé. Et ouais, mais c'est vrai. C'est ça, c'est l'histoire tragique de la famille. Il y a 33 ans, en fait, il s'est suicidé. Il est amputé même d'un pied, donc voilà. Ouais, c'était tragique. Mais moi, j'ai trouvé l'opener plutôt sympa, avec une team hyper physique. C'était celle de l'Ultimate Warrior, même si de l'autre côté, bien sûr, il y avait Axe, Smash et Crush, qui sont des gros gabarits. Mais tout de même, la team Warrior, elle est impressionnante. Hawk, Animal, le Texas Tornado et Warrior, c'est plein de testostérone, quoi. Et je trouve que l'élimination de Axe, elle arrive un peu vite. Il faut savoir aussi que moi j'ai une petite anecdote. Les Demolition ils sont à 3 à ce moment-là parce que Axe justement est en train de baisser physiquement. Axe c'est le plus vieux des Demolition. Au début c'était que Axe et Smash et c'est vrai qu'il est en train de baisser physiquement à ce moment-là. Et en fait ce qui s'était passé c'est que Crush il avait été mis avec eux mais Crush il n'avait pas catché avant à la WWF quand il est arrivé directement dans les Demolition. Et Axe, il avait développé une sorte d'allergie aux fruits de mer lors de ses voyages au Japon. Donc en plus de baisser en qualité in-ring, il avait ce petit souci-là. Donc Vince McMahon a pris les devants à ce moment-là de mettre Crush avec Smash. Il s'est dit, si Axe doit être hospitalisé, alors Smash aura toujours un coéquipier en la personne de Crush. Quand même une team, quoi. Voilà, c'est comme ça en tout cas, à la base, que ça s'est passé. Et les Demolition, faut savoir que c'est la première team à avoir pratiqué ce qu'on appelle la Freebird Rules, que pratique encore aujourd'hui New Day. Exactement. Où on s'échange comme ça les ceintures. Donc Crush est un catcheur en fait qui est arrivé directement en tant que champion par équipe. Alors que lui, quand les titres ont été gagnés par Demolition, n'était toujours pas là, parce qu'ils avaient gagné les titres à WrestleMania 6 quand ils étaient encore à 2. Donc voilà, ce petit truc là quoi, d'arriver comme ça et d'être champion du monde, c'est pas pour tout le monde que ça arrive. C'était le cas pour Crush qui est resté un bon moment à la fédération, il est resté jusqu'en 97, donc il a connu l'attitude era. Et puis après il est arrivé à la WCW en 98 où il avait rejoint la NWO 98-2001 à peu près, hein, il avait fait après les chroniques avec Brian Clark. Et puis en 2001 il était revenu du côté de la fédération à Unforgiven dans un match catastrophique contre les frères de la destruction Kane et Undertaker justement. C'est nous ce soir avec Bruce Lee. Et ça s'était très mal passé, donc il avait été viré après. Et lui aussi, malheureusement, est décédé en 2002. Il s'était mis à la boxe à la fin de sa carrière. Rassurez-vous, on ne va pas vous faire la liste de tous les morts, parce que malheureusement, non. Il y en a un petit peu quand même ce soir, malheureusement. bon, on est quand même obligé d'en parler, c'est la triste réalité. Quand on fait un podcast qui a 25 ans, il y a forcément du grabuge. Donc une petite parenthèse, on fait ce podcast là aussi sur le vintage, on fait 1990 car c'est l'année du Taker et la WWE tease vraiment les 25 ans du Taker. Nous on s'est senti obligé de faire ce Survivor Series là. Et d'ailleurs dans le prochain match ça va bien être le sujet donc. Juste pour signifier quand même qu'il y a Hawk et Animal, ils sont une équipe légendaire, ils ont été deux fois champions par équipe en 91, donc vraiment une première phase à cette période là, 91 puis après 97. Donc sur deux périodes distinctes, la Golden Era et l'Attitude Era. C'est une équipe qui a gagné partout, à la NWA, à la AWA, au Japon, sauf à la WCW parce qu'ils sont restés vraiment peu de temps, ils étaient restés quelques mois, 6 mois je crois, pas plus, et ils avaient clashé avec Bischoff au sujet de leur salaire. Mais je voulais préciser parce que Hawk et Animal, là, dans ces deux teams-là, la vraie team légendaire, c'est Hawk et Animal, même plus haut que Demolition. Voilà. Allez, donc à la WWE, on les connaît sous les Legion of Doom, mais souvent quand même, les gens les appellent les Road Warriors. C'est clair. Ça. Ah oui. C'est plus souvent d'ailleurs Road Warriors que Legion of Doom. C'est assez bizarre d'ailleurs que la WWF, je sais pas comment dire, ils ont un nom, mais qui est pas le nom, si tu veux, le plus connu quoi. C'est comme si à la WWF, on connaissait plus Hollywood Hogan que Hulk Hogan. Donc nous allons passer au match suivant qui a vu la Million Dollar Team s'imposer. Donc je fais pas trop de suspense sur ce coup-là. Elle était composée donc de Ted DiBiase, les Rhythman Blues qui est Honky Tonk Man et Greg Valentine avec un look qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est à voir. Et le partenaire mystère qui s'avère être The Undertaker. Donc ils étaient accompagnés de Virgil, Jimmy Hart et Brother Love qui étaient le premier manager de l'Undertaker. Je pense que Renaud aura un petit mot là-dessus à nous dire. Et donc ils ont battu la Dream Team de Dusty Rhodes, de Coco Beware et la Hart Foundation, Bret Hart et Jim Neidhart. Donc c'est assez marrant de voir que le premier adversaire de l'Undertaker à la WWF à l'époque, donc WWE maintenant, est Bret Hart. Donc ça reste quand même un dream match qui a pas eu lieu énormément. Enfin, ils ont eu une belle rivalité pendant l'Attitude Era, mais c'est pas un match qu'on a vu très très souvent, le Taker contre Hart. Donc Renaud, je te laisse te lancer sur ce match-là avec quelques légendes au compteur. Ouais, pour moi c'est mon combat favori de la soirée. Je l'ai trouvé très bon. Je trouve qu'il se passe énormément de choses. Et il y a franchement du rythme et il se regarde encore très bien aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. J'ai adoré le travail. Et la finale aussi. La finale entre Bret Hart et Ted DiBiase, je trouve qu'elle est hyper disputée d'un très haut niveau. Ils s'étaient déjà croisés tous les deux en 1 contre 1. C'est toujours des très bons matchs hein, entre les deux. Et puis on est dans la bonne période de Ted DiBiase, il faut dire aussi que... Pour moi, c'est un des lutteurs les plus sous-estimés de l'histoire, Ted DiBiase. Il ouais, a joué au titre suprême, si je ne m'abuse. Non, tu te trompes pas. Il a failli hein, une fois qu'il devait l'acheter. Enfin, je me rappelle qu'il y avait eu une histoire là-dessus où sa gimmick faisait qu'il devait acheter le titre suprême. Il me semble que c'était avant le Royal Rumble 92, il était vacant, le titre. Et il avait proposé à la fédération de le racheter moyennant genre 10 millions de dollars ou un truc comme ça. Je me rappelle d'un segment comme ça. Ouais, il y avait eu plusieurs histoires comme ça. Il voulait l'acheter à André le Géant aussi. Quand André le Géant l'accompagnait à un moment donné, quand André était champion, il voulait lui acheter le titre. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est vrai qu'il a failli y toucher, mais vraiment aussi, puisqu'il a été en finale du tournoi à WrestleMania 4. Il a fait le main event où la ceinture était vacante, mais c'est Savage finalement qui a remporté le titre. Et là, on est dans la période, hein, 90, début, fin 80, début 90, on est dans la période où DiBiase pouvait franchement y toucher. Et c'est un catcheur assez complet. Il avait déjà fait ses classes à la Mid-South Wrestling, puis au Japon, puisqu'il était parti à la All Japan Pro Wrestling. Et il avait signé après chez McMahon. Et je trouve que c'est un gars qui maîtrisait totalement son personnage, quoi. Il était imprégné, complet. C'est très bon au micro aussi, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il faisait beaucoup d'interviews en backstage. Il faisait des promos avant match, et des fois, il prenait même le micro dans le ring, et ça, c'était rare. DiBiase, il prenait son micro dans le ring et parlait dans le ring. Il a été 3 fois champion par équipe au final, et il avait gagné aussi le King of the Ring 88. Et c'était un catcheur très complet. Pour Brother Love, il accompagnait Undertaker, son premier manager. Après, il avait vendu le contrat d'Undertaker à Paul Bearer, et c'est Paul Bearer qui est devenu très vite le manager du Taker. Là, c'était historique après, bien sûr. Paul Bearer qui, malheureusement, est décédé aussi. Allez, Bruce, si là, si on fait toute la séquence... Je te passe l'urne et je te laisse... Et oui, parce que malheureusement, passer d'un mort à l'autre, Dusty Rhodes, quand même, il faut le remarquer aussi dans ce match. C'était quand même le capitaine de l'équipe adverse et qui était à très haut niveau, je dirais, par rapport au public et puis à très haut niveau aussi dans le ring, quand même. Un énorme dropkick notamment, j'ai noté. C'est vrai qu'il y a un beau dropkick. Ouais. Je vais pas être original, c'est vrai que comme Renault, c'était le match que j'ai préféré aussi parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de liaisons et ils ont laissé la place aux lutteurs les plus techniques et c'est vrai que ça j'ai bien aimé Et c'est vrai que l'Undertaker a fait des débuts vraiment fracassants. En à peine une minute, il avait fait déjà tout le ménage et puis il avait mis Coco Beware hors service, même si malheureusement le pack driver était botché. Je fais un petit aparté, mais c'est fou quand même comme une prise aussi mythique que le pile driver, le tombstone, pardon. À l'époque, comme elle n'est pas vendue par les commentateurs parce que c'est la première fois, parce que voilà, et t'as l'impression qu'elle a beaucoup moins d'impact. Ouais, alors, tu vois qu'elle ce que est, je veux dire alors qu'elle est plus impressionnante que la plupart des prises de l'époque. Ah non, bien sûr, mais en fait, t'as l'impression qu'elle est un peu, elle est noyée dans la masse parce qu'elle arrive très vite dans le match aussi, cette prise. Et du coup, comme c'est le premier, il n'a pas ce côté mythique qu'on a aujourd'hui, 25 ouais. ans après. Enfin, quand on voit un Tombstone aujourd'hui, on est assez content, quoi. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire, ça me plaît de faire ce petit, de me remettre dans le contexte de l'époque. Après, moi, j'ai bien aimé, moi, la prestation de Jim Neidhart, que j'avais pas souvenir qu'il était aussi brut, en fait. Il était aussi stiff. Ah oui. En fait, j'avais des souvenirs, mais pas, voilà. Franchement, là, à un moment, il me semble qu'il est contre, putain, c'est contre qui? Je crois que c'est contre Ted DiBiase d'ailleurs. Il est hyper hyper stiff. Il y a une genre de petite session comme ça. C'est assez kiffant à voir. C'était match. Si vous devez en voir un de ce Survivor Series, les gars, allez voir celui-ci. Ouais, c'est celui-là qu'il faut voir. C'est vrai que l'Art Foundation c'était hyper complémentaire. C'est ça qui a bien marché. On avait le gros bagarreur, le bourrin Jim Neidhart, qui vraiment lui c'était des prises fortes. Il frappait très stiff, vraiment très dur. Lui était connu pour ses concours d'enclume. Hein. C'est pour ça. Jim Neidhart Anvil, l'enclume, il avait eu sa réputation comme ça en jetant l'enclume le plus loin possible et il avait gagné plein de prix grâce à ça. Et Bret Hart, lui, qui était en avance lui aussi sur son temps, on parlait tout à l'heure pour Perfect, mais Bret Hart, ça vieillit pas, quoi, hein, c'est incroyable. Son parcours à la fédération, à la WWF, il aurait été parfait à Bret Hart. Franchement. C'était les champions par équipe à l'époque en plus. Ouais, il surdominait la compétition. Logiquement, après, c'est Rhythm and Blues, Honky Tonk Man et Valentine. Bon, Valentine était un peu... Ah ouais, c'est deux anciens champions intercontinentaux, et lui, c'est vrai qu'il avait connu son heure de gloire plutôt au début des années 80. Voilà, donc. C'est ça exactement, surtout à la NWA, où il avait affronté un Roddy Piper dans un match légendaire, hein. C'était à Starrcade 83, où les deux étaient attachés par le cou, avec des colliers de chiens, c'est un match de fou furieux, quand on le voit encore aujourd'hui, c'est la folie, quoi. Mais c'est vrai que Valentine, il faut plus le voir à la NWA, là, c'est un peu la fin, un peu beaucoup. Et du coup, pour en revenir par rapport à The Anvil, on l'appelait The Hammer, Valentine, parce qu'il faisait du lancer de marteau aux Jeux Olympiques. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est parce que sa prise finale était un coup de coude qui ressemblait à un coup de marteau, hein. En gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Donc, bon, on a quand même fait l'éloge de Ted DiBiase, de Bret Hart. Et puis, bon, on n'a pas parlé de Jim Tonkman, qui est le plus long champion intercontinental de l'histoire, non, le plus long règne. Ouais, c'est ça. Battu, hein. Il a toujours pas été battu. Et non, on se rappelle de la course de Santino contre son record, mais il n'y était pas arrivé. Il avait eu un règne énorme, Honky Tonk Man. Par contre, il avait perdu le titre en quelques secondes face au Warrior. Et au SummerSlam, mais c'est vrai que son règne. Il est du fait d'ailleurs, il bat souvent. Ouais. Les matchs, ils sont rarement très très longs. Ça arrive, hein, des matchs Warrior longs, mais. C'est très rare. On avait très eu l'exemple contre Hogan, le fameux match, bien sûr. Ouais, contre Triple H aussi, quoi. Contre Savage au SummerSlam 92 aussi. Mais on les compte sur le bout des doigts. Contre Icrude aussi, mais bon. Voilà. Et sinon, je sais plus si t'as précisé, au Benito, c'était DiBiase qui est le seul survivant. Bon, non, je l'ai pas dit, mais tu fais bien de le dire. Donc, ouais. Il se qualifie pour le match final aussi. DiBiase. Pas mal, oui. Mais là, c'est vrai, sacré prime à lui parce qu'il a passé pas mal de temps, des 14 minutes, mine de rien, bien actif, ouais. Si on n'a plus grand chose à dire, on peut passer au match suivant. Donc c'était encore un match 4 contre 4 avec Rick Martel, donc la team visionnaire avec Rick Martel, The Warlord et Power and Glory, qui sont Hercule et Paul Roma. Avec comme manager, ils avaient Slick. Et la team en face, c'était The Vipers, donc Jake the Snake Roberts, Jimmy Snuka et les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty. Donc ouais. Les survivants sont Martel, The Warlord et Roma et Hercule. Donc on peut dire que ça a été un match à sens unique si on suit le résultat, mais en fait il n'en a rien été. Moi je trouvais que le match était quand même assez disputé, notamment une très bonne performance de Jack the Snake Roberts qui est pour moi pareil. Il était assez en avance sur son temps. Lui c'est plutôt par son personnage que par son catch, même si son catch était très bon. Donc Bruce Lee va commencer à nous faire le topo de ce match. Et Renaud viendra ponctuer avec ses anecdotes, toutes plus folles les unes que les autres. Et donc, on était dans un contexte de rivalité entre Jake Roberts et The Model, Rick Martel, qui l'avait aveuglé quelques semaines précédemment, même Roberts. Avec même arrogance. Complètement aveugle pendant quelques temps, c'était assez, malheureusement, assez pas. Oui, il avait porté un bandeau de pirate. Il avait aveuglé avec du parfum, hein, le modèle. Ah, bah avec le parfum arrogance. Oui. Eh oui. Ouais, ça s'invente pas, hein. Et si ça s'invente, c'est pas de la gimmick aussi. Ça, non, mais ça s'invente pas par rapport à Martel, voilà. C'est... Oui, mais justement, ça veut c'est tout, gimmick, c'est toute son essence, je dirais, voilà. Et c'est vrai que c'était une surprise de voir vraiment ces quatre-là qualifiés, mais après tout, ils étaient vraiment dans une optique, je pense, à Main Event, de faire une supériorité de heal par rapport à une équipe face forte. Donc finalement, ça a une certaine logique à l'arrivée, c'est pas forcément une énorme surprise. Mais par rapport à l'adversité, c'est un peu bizarre parce que Michaels et Jannetty n'étaient pas forcément les plus hauts, loin de là, au niveau par équipe à cette époque-là. Ouais, ils auraient pu avoir une bonne c'était place. C'était des débutants, hein. Ça faisait quoi, ah ça oui, faisait 3-4 voilà. ans qu'ils étaient non, mais là, surtout, mais pas plus. Ils apportaient pas mal de rythme au match, donc ça aurait pu être plaisant d'avoir un des deux peut-être qualifié. Mais moi, voyant ce match-là, je comprends pourquoi à l'époque on disait que Marty Jannetty était promis à une plus belle carrière que Shawn Michaels. Parce que sur ce match-là, Marty Jannetty, je trouve qu'il était quand même un petit peu au-dessus de Shawn Michaels. Que ça soit dans son catch ou même dans ses voltiges, bah, je sais pas, Renaud, toi, ce que t'en as pensé. Il faisait plus il avait l'air de travail. Plus complet de l'extérieur. Enfin, ouais, ouais. Quand on rentre pas dans les détails comme ça, bon, maintenant, on connaît la suite 25 ans après, on sait qu'il y en a un qui est Hall of Famer et l'autre qui le sera sûrement jamais. mais c'est vrai que, au début, je comprends qu'on puisse se dire, à la base, c'était Marty Jannetty qui était promis un avenir brillant et Shawn Michaels à être un catcheur correct et puis, la volonté du deuxième à l'a emporté sur tout le reste. Et tu sais, pour faire une comparaison qui est pas vraiment juste non plus, hein, faut pas prendre au mot, mais les Hardy Boys, c'était un peu ça aussi. À une époque, on se disait, ah, Matt Hardy est plus complet, peut-être que Matt Hardy va faire carrière, et finalement, bon, c'est Jeff Hardy qui a été beaucoup plus titré, qui a touché au titre de champion du monde à la WWE. Maintenant, je compare pas du tout Jeff Hardy avec Shawn Michaels, hein, parce que Shawn Michaels, c'est quand même un magicien. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a ce genre de destin. Sinon, j'ai trouvé Tim Snuka assez discret quand même. Dans ce match. Ah oui, à partir du moment où Snuka n'était plus pieds nus, il était discret. Ouais. C'est vrai qu'on en a un peu pareil, je me rappelle l'un des précédents. J'ai fait la même impression avec Rousseff. Depuis qu'il a mis des chaussures, j'ai l'impression qu'il ne sert plus à rien. Quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, il faut vraiment aller laisser pieds nus, ceux-là. Et à l'époque, les Rockers, c'était en rivalité avec Power and Glory, qui était une équipe qui a duré peu de temps, il me semble. Qui était formée pendant à peu près une petite année. Et ils n'ont jamais rien gagné d'ailleurs, eux. Ils ont eu beaucoup d'opportunités, mais ils ont beaucoup échoué. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage pour eux quand même, parce qu'il y avait du potentiel. Ouais, complètement. Ouais, surtout Hercule, hein, qui est quand même, moi je trouve, ah oui, assez charismatique. On parlé et qui n'était pas servi par ses dents. C'est Renaud d'ailleurs qui en avait parlé, ouais, qui avait dit vraiment qu'il avait vraiment quelque chose et qu'il lui manquait un palmarès surtout. Donc, l'occasion je trouve qu'il n'était pas servi par ses gimmicks, malheureusement, Hercule. Déjà, bon, le nom, c'est compliqué à porter. Et surtout quand t'as des mecs qui sont plus costauds que toi. Enfin, t'attends de voir Hercule avec les plus gros biscottos, hein, Bruce. Ouais, non, après, voilà comment ils auraient pu trafiquer un petit peu la musculature, mais... Ouais, non, c'est vrai. Ils font du bon travail, hein, ils font encore du bon travail. Là, on parlait du travail de James Perts qui est bon. Marty Jannetty aussi tire son épingle du jeu. Mais sincèrement, encore une fois, le travail de Paul Roma et d'Hercule, moi, je l'ai trouvé... très agréable, un bon travail de destruction, alors peut-être pas spectaculaire et beau à suivre, parce que c'est pas des prises de fou, mais très intelligent dans son déroulement, et Paul Roma, je trouve qu'il fait un gros show, Paul Roma. Et j'avais pas de souvenir, moi, de Paul Roma, tu vois. Paul Roma, il est passé par les Force Men très vite aussi. C'était en 93, hein, les Force Men avaient déjà été créés plusieurs fois à la NWA, il avait refait Ric Flair, le clan, à la WCW, au début de la WCW, et Paul Roma, avait rejoint ce clan-là en 93. Il a été trois fois champion par équipe à la WCW, deux fois avec Mr. Wonderful Paul Orndorff, et puis il avait été une fois avec Arn Anderson. C'est un catcheur solide, franchement, qui avait pas mal de prises et très intelligent dans le ring en tout cas, très sous-estimé malheureusement. Et juste, c'est bizarre, mais sur le ring, c'était comme voir des jumeaux un petit peu, Eric Martel au niveau des physiques, même de l'attitude. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que Rick Martel, est... moi j'aimais bien aussi Rick Martel, hein. C'était un bon heel, bon à l'ancienne hein, bien sûr, aujourd'hui ça serait un heel low-card à la Heath Slater, parce que il est tellement, enfin, c'était tellement grandiloquent ce qu'il faisait que forcément ah oui. c'était rigolo, mais c'était quand même un bon petit heel. Il a eu une belle rivalité avec Shawn Michaels, on en avait parlé dans un vintage il n'y a pas longtemps, avec un match à WrestleMania. À SummerSlam d'ailleurs. Non, à SummerSlam 92. Ouais, SummerSlam. Ah ouais, non, il a quand même eu une belle petite carrière à la WWF à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Lui aussi, il a eu des promos en français, en plus, c'était cool. Ouais, ça c'était cool. Lui aussi a été 3 fois champion du monde par équipe à la WWF. Il a été champion de la télévision à la WCW. Et puis surtout, il a été champion du monde de la WA. Et quand Martel, il a été champion du monde de la AWA, personne lui prenait le titre. Il a été champion du monde sur une durée assez hallucinante. Et bon, finalement, il a perdu la ceinture, bien sûr, mais pendant très très très longtemps, il a été champion du monde de la AWA et surdominé la fédération. Et bon, après, bon, il n'y a pas besoin de revenir trop sur la carrière de Jake the Snake Roberts, qui aujourd'hui est un ami de DDP, qu'on a eu en interview, que vous pouvez retrouver sur notre page, parce que c'était il y a presque un an, donc on se fait un petit kiff quand même de vous rappeler qu'on a eu un multiple champion du monde à Wrestler Radio. Et il parle de Roberts en plus. Ah oui, bien sûr. Et voilà, il en parle beaucoup. C'est pour ça que je renvoie vers cette interview. On vous mettra peut-être au moment de la sortie du pod, quelques jours après, on vous remettra peut-être le lien de l'interview sur la page Facebook. Parce que c'est plus facile que d'aller retrouver au fin fond de YouTube. Non ? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bonne idée. Ouais. De toute façon, il faudra complètement. Pour les 1 an en plus. Ouais. Il me semble que c'était en novembre, hein, l'année dernière. Fin novembre, il me semble. Ouais, le temps s'est arrêté pour moi, c'est un truc de fou. Et pour, je vais vous livrer un petit secret de hors antenne. Je vous avoue qu'on était très excités donc d'avoir DDP. Et quand il a décroché, je n'ai eu d'autre mot que de lui dire motherfucker. Et il a rigolé. Et franchement, mes acolytes de Wrestles Radio m'ont dit putain t'es couillu de lui dire ça. On pensait qu'il allait nous raccrocher au nez. Enfin voilà, c'était pour la petite histoire. C'était un petit secret. Donc sur ces belles paroles, on peut passer. On arrive à placer DDP dans tous les pay-per-views, c'est un truc de fou. Ouais, je suis pas dans l'affaire. Hein. Non là pour une fois, mais je t'ai devancé. Donc on va passer au match suivant. Donc qui a vu l'équipe de Hulk Hogan, les Hulkamaniacs, Hulk Hogan, Jim Duggan, Big Boss Man et Tugboat, qui a battu les Natural Disaster, Earthquake, Haku, Dino Bravo et The Barbarian, qui était accompagné de Jimmy Hart et de Bobby Heenan encore. C'était des super managers, on pourrait en dire un mot quand même de ces managers. Ah oui, justement, j'avais l'intention. C'était des super managers de l'époque, Bobby Heenan et Jimmy Hart. Donc, pour la petite histoire, Haku a remplacé un petit peu au pied levé Rick Rude, parce que Rick Rude s'était barré de la WWF après un désaccord avec Vince McMahon. Donc, du coup, là, on avait remplacé au pied levé. Donc, l'équipe a vu un seul survivant, l'équipe des Hulk Maniacs a vu un seul survivant qui était Hulk Hogan. Bon, le match a pas duré énormément de temps, hein, un peu moins de 15 minutes pour un match comme ça, avec quand même des sacrés noms. Bon, voilà, hein, Renaud, il va nous dire ce qu'il en a pensé. Ouais, ben, c'est la première vraie déception de la soirée pour moi en termes de qualité de match. Après, vu les gars impliqués, même si, comme tu dis, il y a des grands stars, ben, surtout Hulk Hogan, hein, mais on s'en doutait. Il y a de la resta. Ouais, mais c'est très faible, je veux dire, c'est très faible in ring, mine de rien, même si Earthquake, il avait quelques moves, malgré son gabarit, ça reste que faible. Haku, il remplace Rick Rude, mais voilà, remplacer Rick Rude par Haku, même si j'aime bien Haku. C'est terrible, comme dirait Seb. Dino Bravo, bon, c'était un catcheur. C'était le Santino Marella de l'époque, un peu. Ouais, c'était le Santino Marella de l'époque, qui avait, lui, des gros, gros soucis dans sa vie privée. C'était un mec qui a touché avec la mafia, c'est pas des blagues, et franchement, c'était un gars peu recommandable, et Barbarian, c'est très très très très très limite. Il fera équipe avec Haku bien plus tard du côté de Atlanta et de la WCW. Après Hogan là, c'est une époque où, en fait, c'est une époque où il y a même quasiment plus de suspense, quoi. On est dans tous les combats d'Hogan à ce moment-là, et puis en plus dans ce genre de match-là, c'est un match survivant. Vous imaginez bien qu'Hogan à ce moment-là, il va survivre, quoi. C'est sûr, c'est le babyface. peut pas perdre. C'est le vrai héros américain. Lassitude du public, j'ai noté à ce niveau-là. Et là où, pour faire un parallèle avec l'époque actuelle, là où aujourd'hui la WWE n'ose pas faire ça avec John Cena, par exemple. L'année dernière, John Cena, au match 5 contre 5, il se fait éliminer. Il se fait éliminer et laisse Dolph Ziggler tout seul. Parce que si c'est John Cena qui va au bout et qui fait ce que fait Dolph Ziggler dans ce match-là, je pense que le public, il passe dessus la barrière et il casse la gueule à tout le monde, quoi. C'est pas possible dans, voilà. Ah, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, souvent, quand j'entends des gens, là, aujourd'hui, sur Internet, dire que avant, c'était mieux, bah, avant, peut-être, mais pas à cette période-là, en tout cas, quoi. Enfin, oui. Pour ce genre de truc-là, hein, je veux dire. Hein, pour, c'était très écrit, Hogan, il était intouchable, il pouvait rien lui arriver. Hogan et Warrior, là, à ce moment-là. Et voilà, et j'allais dire, ils ont eu d'ailleurs du mal à gérer la popularité du Warrior, qui était venu contrebalancer un petit peu Hogan, puisque Warrior, il est vraiment arrivé comme un boulet de canon dans le main event. Hein. Je pense pas que c'était trop prévu à la base, mais la popularité qu'il a eue a fait qu'ils ont été obligés d'être potes, alors je pense qu'ils s'aimaient pas trop dans la vie. Ils étaient obligés d'être potes sur le ring. Et des fois, ça se voyait, je trouve. Hein. Renaud, je sais pas, toi, t'es juge de paix là-dessus. Non, mais ça n'a jamais été les meilleurs amis du monde, ça c'est sûr. Après, je sais pas trop. C'est vrai que bon, Warrior, il avait affronté Roode, puis André le Géant. C'était peut-être un passe. André le Géant, c'était un peu un passe droit vers le main event. Mais c'est vrai qu'il a été, comme tu dis, propulsé très vite. Il fallait contrebalancer un peu Hogan, qui était seul au monde à ce moment-là. Bon voilà, il pouvait rien lui arriver à Hogan, même s'il a perdu le titre à WrestleMania 6, il prendra après de nouveau, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Même à WrestleMania 10, il arrive de nulle part. Et... Ouais, le 9. Le 9, pardon, contre Yokozuna. Après que Bret Hart ait perdu contre Yokozuna, Hogan arrive en 14 secondes, il récupère le titre. Enfin ouais. Bref. Donc, et toi, Broussi, tes impressions sur ce match-là? C'est mauvais ou c'est très mauvais? C'est très moyen, je dirais. C'est vrai que dans les discussions d'avant-podcast, c'est vrai que je me suis un petit peu excité sur Earthquake. Ouais, parce que ça me fait toujours plaisir de voir un tel gabarit sortir un petit peu ce qu'il peut faire. Après, c'est sûr qu'il n'est pas à son summum et qu'il a peu d'occasion aussi de se montrer dans ce match. Mais bon, je suis toujours très fan de son dropkick, moi, toujours. Donc, ils étaient adversaires, mais Tugboat, qui deviendra après Typhoon et Earthquake, ah oui, c'était donc, créer la team, les Natural Disasters, je trouve que c'était quand même une super team. Ouais, j'ai bien aimé aussi, j'ai beaucoup aimé leur travail à deux, ouais. Au début, ils étaient heel, et après, ils ont une belle rivalité contre les Money Incorporated, donc de Ted DiBiase et IRS. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça. IRS, qui est le papa de Bray Wyatt. Et de Bo Dallas. Et de Bo Dallas, oui. Oui. Et ouais. Mais bizarrement, ça n'est pas le papa de Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman. Dans ce match-là, il y a aussi le Big Boss Man. Si vous aimez bien le Big Boss Man, je vous conseille de rester à la fin du pod. Il y a un petit teasing pour vous, un petit message personnel pour vous. Hein, Renaud? Oui, il faut rester à la fin, ouais. Ouais, je ne dis pas plus, ouais, tu as raison. On n'en dit pas plus. Non, ouais. C'était peut-être la meilleure période de sa carrière, non, dans les années 90. Bon, après, il a eu un revival pendant l'Attitude Era, un peu venu de nulle part. Exactement. Mais c'était quand même sa bonne période dans les années 90. J'ai pas son palmarès, je sais pas s'il a touché beaucoup de titres ou pas, mais c'était pas une gimmick qui fait qu'il avait besoin de titres pour être crédible. Non plus. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Début 90, à un moment donné, il était très haut, c'est vrai. Et puis, Attitude Era, quand il a fait partie de la corporation de Monsieur McMahon, à un moment donné, là aussi, mine de rien, il est monté très haut et puis il a été champion hardcore pendant l'Attitude Era et il a gardé le titre pendant pas mal de temps, ouais. C'est vrai que c'était un peu un second souffle dans sa carrière à ce moment-là. Il y avait quand même des managers. Ah oui, les managers. On va parler des managers. Donc Bobby Heenan qui vient de fêter son anniversaire il n'y a pas longtemps, à l'heure où... 71 ans. Que Dieu le garde, Bobby Heenan. Parce que le pauvre... Ah ouais, Bobby Heenan. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a... Dans quel état il est aujourd'hui? Oh là là. Et puis dans ce show, la vache, qu'est-ce qu'il prend? On vous parle enfin de vieux qui ne sont pas morts, c'est génial. Ah oui, c'est un nom, effectivement. Il y a du progrès quand même à ce niveau-là. Si dans ce match, il y a eu aussi des morts, malheureusement, mais bon. Mais Bobby Heenan, c'est sûr, qu'est-ce qu'il a pris dans ce match, quand même, et aussi dans le premier match, à y passer de façon spectaculaire au-dessus de la troisième cordée, quand même. Voilà. Oui, non, mais même dans le premier match avec Perfect, à un moment, il se fait balancer par-dessus la barrière de sécurité par Ultimate Warrior, il prend Ah, ouais, il prenait des bons petits spots à l'époque. Oui, il prend cher, et après le match aussi, ouais, à chaque fois. Surtout qu'il avait bien, ben, il avait 45 ans, hein. Si on remonte 25 ans en arrière, il était pas tout jeune, hein, pour prendre des spots comme ça. Ah non, c'est sûr, ouais. Mais c'était, ouais, le plus grand manager de l'époque, il n'y avait pas photo, ouais, avec sa Heenan Family, il a managé à l'époque, c'était Mr. Perfect, c'était quand même un sacré couple, avant c'était André the Giant, enfin il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de catcheurs qui sont passés. Moi, j'étais plus fan de Jimmy Hart, mais c'est un goût perso. Je reconnais l'immense talent de Bobby Heenan, mais Jimmy Hart, pour moi, était avait une, enfin, il a une, je sais pas comment dire, un. Il était plus foufou, Jimmy Hart. Ouais, voilà. Non, mais il est tellement original par rapport à l'autre, qui était vraiment le heel de base. Mais Jimmy Hart, il peut être heel face, il y a pas de souci. Alors que Bobby Heenan en face, je pense qu'il aurait eu un peu plus de mal. Ah oui, non, lui, c'était la vieille école aussi, donc. Mais il a quand même été l'inspirateur encore de beaucoup. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. A pris certains traits de caractère. Donc, non, vraiment, ouais, c'était un gars qu'on voyait beaucoup à tous les grands shows. À WrestleMania notamment, on le voyait limite à tous les matchs et, lors de certaines années. Un très très grand manager. Pas le premier, très très grand. WrestleMania même. Et peut-être un petit mot sur Jim Duggan qui, est, à l'époque, était vraiment aussi. Un mid-carter solide et apprécié par la foule, alors que dans le ring, c'était vraiment... Très limite. Ouais, ouais. Trois prises, un bout de bois, tu fais une gimmick, c'est génial quand même. Les ah oui, non, c'est 90. Sûr. Ouais, c'est clair. Mais c'est à sûr. L'époque, d'ailleurs, ça va avoir un lien avec le match d'après, mais il faut avouer que il pouvait qu'être bien apprécié dans le contexte politique qui a donné le match, d'ailleurs, dont on va parler après. Ouais, avec la guerre du Golfe, etc., le fait qu'il hurle USA à tous les matchs. Ah ouais, le patriotisme américain était vraiment encore plus fort que d'habitude à cette époque-là. Ouais. Mais moi, à l'époque, j'avais vu un house show, c'était en 93, donc à Toulon, et je vous garantis qu'il y avait Hulk Hogan dans ce show, et la plus grosse pop de la soirée, c'était pour Jim Duggan, quoi. C'est hallucinant, avec le recul. Je me rappelle qu'on marchait dans le parking à côté de la salle, et tout le parking criait « USA !» Ouais, c'était quand même assez. C'est là que tu vois que c'est magique quand même, hein, la gimmick de Duggan à l'époque. Dans le monde entier, USA. En France, à Toulon. Et voilà. C'était assez incroyable. J'ai un souvenir énorme de. J'avais 13 ans à l'époque, donc, pour vous dire comme je suis vieux. Enfin, voilà, on va passer donc au match de la guerre du Golfe, comme nous l'a spoilé Bruce Tee, qui est le roi du spoil. Ouais, mais celui-là donc, était tellement terrible. Non, celui-là était facile. Donc il y avait la Team Alliance, Nikolai Volkov, Tito Santana et les Bushwhackers, Luke et Butch, contre les mercenaires, Sergent Slaughter, Boris Zoukov et l'Orient Express, Sato et Tanaka, avec comme manager Fuji, qui est lui aussi hyper présent comme manager, le général Adnan. Donc le seul survivant de l'équipe des gagnants, qui est la Team Alliance, et Tito Santana. Un match qui a duré un peu moins de 11 minutes. Bon, ben voilà, c'est pareil. Hein. C'est une deuxième déception quand même dans la soirée, hein, Renaud. Ah oui, ça a méchamment vieilli. On entend parler. Et après, avec les Bushwhackers, tu peux être que déçu. Quoi. Ah oui, souvent. Très, très, très souvent. Mais là, ça a trop vieilli. Le deuxième combat, on disait qu'il a pas vieilli. Alors celui-là, le booking, il est catastrophique en plus. La team de Slaughter se fait totalement décimer en très peu de temps, alors que je trouve que les gars justement de Orient Express méritaient mieux. Mais ouais, Slaughter se retrouve solo face à toute la team adverse et puis il se met à les éliminer un par un, parce que Slaughter, c'était quand même mine de rien un gars qui avait déjà bossé à la WWF. Ouais, hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il était déjà passé lui chez McMahon dans les années 80, puis il était parti à la AWA, le sergent, et il avait rappelé Vince McMahon au début des années 90. En lui disant qu'il aimait bien son produit, qu'il aimerait bien revenir, il était prêt à revenir si c'était bon pour McMahon. Et là, McMahon lui avait dit « Ouais, je veux bien que tu reviennes, mais il me faut un heel. » Donc, c'est comme ça aussi que la gimmick est arrivée. D'un coup, il est revenu en heel, managé par le général Adnan, comme tu as dit. Adnan, pardon. Mais ouais, il y a vraiment rien. Et en plus, il élimine les autres Slaughter sur des prises basiques, mais alors... Des prises anodines, ouais. Ah ouais, une descente du coude sur Volkov qui vient de nulle part, mais vraiment comme ça... Deux fois par clothesline. Ouais, un brise-abdo sur Luke, je crois, et une clothesline, ouais, mais sans élan sur Butch. Ouais. Ouais, non, c'était pas après, bon. Après, c'était Lou Carter aussi, hein, les bookings. Oui, bien sûr, mais enfin, non, le booking est vraiment pas bon. Et à l'image du match, ça se finit par une disqualification, d'ailleurs. Oui, à cause de Adnan qui vient mettre un coup de drapeau dans le dos à Tito. Ah ouais, drapeau irakien, vu que Sergent Slaughter s'était allié au diable. Saddam Hussein à l'époque. Donc Tito qualifié pour le main event. Tout ouais. à fait. Un petit cadeau. Sinon, moi, je préférais quand même beaucoup plus The Alliance de 2001 hein, par rapport à celle-là, mais bon. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est pareil. Même s'il n'y a pas Tito Santana, c'est pas pareil. Quoi. Donc, un petit mot, Renaud, ça, sur Tito vrai. Santana, qui est le gagnant donc de ce petit match. Ah, lui aussi, c'était un catcheur hyper complet. Enfin, hyper complet. Bon, c'était pas Michael, c'est Bret Hart, mais c'était un gars franchement agréable à suivre et qui a eu aussi une bonne carrière avec son marteau mexicain. C'était son finish. Lui aussi, il méritait mieux. Ouais, il était un peu pourri comme prise finale, mais je trouve qu'il portait bien. Il avait pas mal d'impact. En tout cas, finish pour l'époque, je veux dire, c'était pas pire que la descente de la cuisse, quoi. Mais une belle carrière lui aussi, qui aurait pu monter peut-être un peu plus haut. Pas être champion du monde, mais peut-être avoir plus de titres et plus de reconnaissance du milieu. Je trouve qu'on l'oublie un peu trop. C'était un catcheur assez complet in-ring. Donc pas mal de soumissions, pas mal de prises techniques. C'était franchement agréable à suivre. Et oui, et... Voilà, de toute façon, sur ce match-là, le plus gros nom, ça reste le Sergent Slaughter aujourd'hui. Clairement, oui. Après, bon, il y a Nikolai Volkov quand même qui avait fait sa petite carrière sympa aussi, même s'il était très limité aussi. Hein. Volkov, il a été champion par équipe avec Iron Sheik à WrestleMania 1. Ça, c'est surtout le fait marquant de sa carrière, c'est d'avoir gagné les titres par équipe dans le premier WrestleMania de l'histoire. Puis après, voilà, il fera équipe avec avec Boris Zokov, hein, qui est en face, et pour former les Bolcheviks. Mais ça durera pas longtemps, ils toucheront pas au titre ensemble. Il avait une gimmick où en fait il commençait à chanter l'hymne russe et à chaque fois il faisait couper par l'entrée de l'adversaire. Exactement. Et après ils ont fait ça des années bien plus tard. Hein. Ils ont fait ça avec Landstorm, où Landstorm à chaque fois voulait chanter l'hymne canadien et se faisait couper par l'adversaire aussi. Donc Bruce, qu'est-ce que tu as à nous dire Mais pas grand-chose à vrai dire. C'est vrai que c'était assez médiocre. Voilà, juste pour ajouter sur Tito Santana. Il a surtout tourné autour du titre Intercontinental. Il n'a jamais eu d'autres opportunités, je pense, en dehors de ça, à ma connaissance. Ouais, je pense aussi. Il y a eu quelques affrontements, notamment avec Red Valentine, plus tôt dans les années 80. Ça, c'était vraiment à son sommet, je dirais. Même s'il avait quand même de beaux restes encore à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de souci avec ça. Ouais, c'était logique qu'il soit le dernier survivant, même si la manière est quand même en conne, donc, comme on a déjà dit. Après, ouais, c'est le paradoxe de l'époque, de voir Slaughter l'anti-américain et Volkov le pro-américain, mais c'était assez marrant, ça. Sinon, ouais, non, vraiment, c'est un match facilement oubliable et, ouais, qu'on préfère vite oublier, en fait. Et on l'oublie et on passe au main event, donc, qui a vu... La team Babyface contre la team Heel, moi ça me fait rire de voir qu'ils osaient à l'époque appeler les teams comme ça. Bon, bah, ça vient aussi du fait que c'était tous les survivants de la soirée, donc il y avait trois gentils, et cinq méchants, c'est ça hein. Ah oui. La team Babyface était composée de Hulk Hogan, Ultimate Warrior et Tito Santana, et la team Heel était composée de Ted DiBiase, Rick Martel, Warlord et Power and Glory, donc toujours accompagné de Virgil et Slick. Donc le match a fini en 9 minutes 07. Et là encore, franchement, c'est de la propagande pour Hulk Hogan et Ultimate Warrior pour moi. Et je pense que Renaud sera d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, le pay-per-view, pour moi, il s'est arrêté à peu près après le troisième match, quoi. Le problème, il est là. Et là, c'est pour mettre en avant Hogan et Warrior, montrer que c'est les plus grands. Santana se fait éliminer très vite et se retrouve donc à deux. Hein, c'est la Dream Team de l'époque. Voilà, 2 contre 4, plus over, tu meurs à cette époque-là. Hogan et Warrior en team, c'est juste les deux plus grandes stars du moment. Sachant qu'en plus, Randy Savage, qu'on a aperçu dans la soirée, était devenu Macho King, donc il avait turné heel. Donc c'est vraiment Hogan et Savage, les deux purs babyface, quoi. Et le suspense est zéro, puisque quoi qu'il arrive, comme on a dit, il arrive rien à Hogan et Warrior, donc... Il n'y a pas vraiment de suspense. Il y aurait eu peut-être un poil plus de suspense si DiBiase avait été finaliste. Et je dis bien un poil, hein, parce que là c'est Hercule le finaliste. Donc bon, voilà. Et encore une fois, je reviens sur Paul Roma, que je trouve qu'il est mine de rien dans ce match-là. Encore une fois, il a fait un bon travail, sans être exceptionnel non plus, mais il a fait encore son match et sa soirée. Donc un match qui sert à montrer en fait la puissance de Hogan et du Warrior, qui ont décimé toute la team adverse. Quoi. Surtout du Warrior d'ailleurs, je trouve. Ouais. J'ai l'impression que Hogan s'est un peu effacé. Bah, c'est lui qui finit, donc il fallait qu'il finisse champion de l'époque. Donc C'était obligé, ouais. Mais c'était carrément une parodie, ce match, ça c'est sûr. Hein. Vraiment, là on voyait que les Faces avaient le beau rôle, que les Heels, il fallait les mettre de côté. Rick Martel s'élimine lui-même, carrément il voulait affronter personne, là, il voulait pas se faire massacrer. Donc voilà, il a Un peu quitté. façon de mise aujourd'hui, s'en va en disant c'est trop dur, j'arrive pas, je m'en vais. Ouais, mais c'était pas le même. Mais c'est marrant parce que Un peu dire. à l'époque, les arbitres ils comptaient même pas jusqu'à 10, quoi. Le mec qui se casse, bon bah allez, c'est fini. Ah Ça m'avait oui, fait rire, avec. ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Ah oui, avec l'Undertaker, ils l'ont fait aussi plus tôt dans la soirée, ouais, par exemple. Casse, tant pis pour toi, c'est fini, on compte pas jusqu'à 10. Mais ouais, voilà. Non, mais sinon, c'est sûr qu'ils en étaient à leur deuxième match, mais bon, si ça aurait pu avoir un petit peu de crédibilité, ils l'auraient fait durer un petit peu plus longtemps, je trouve, mais bon. Ça a été trop rapide, il y a Moi, eu je pense juste. que ce qui pêche, c'est les adversaires, comme dit Renaud, à part Ted Non, DiBiase, mais il y a eu le qui a passage pas de Paul fait. Roma, c'est vrai qu'il était sympa, c'est lui qui a duré plus longtemps, mais sinon, Oui, après, non, mais même c'est si compliqué. après les mecs ont essayé de tirer leur épingle du jeu, mais le seul concurrent, entre guillemets, au niveau de Hogan et le Warrior, c'était DiBiase, alors qu'ils avaient fait une team heel avec Slaughter, DiBiase, Undertaker et je sais pas. Une connerie, je sais pas qui, mais enfin quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être plus disputé et plus de suspense. Là, effectivement, il n'y avait pas de suspense du tout, quoi. De par les adversaires, ça manquait de crédibilité en face pour Hulk Hogan et le Warrior de l'époque. Ah oui, déjà avec une équipe forte, ça aurait été dur, donc là, il ne fallait même pas imaginer, c'est sûr. Donc, Non, non. on va parler d'un segment qui a eu lieu aussi ce soir-là. C'est le Gobbledygooker, pardon, excusez-moi, une dinde géante jouée par Hector Guerrero costumé en fait. Hein. C'est C'est ça, c'est ça. Hector Guerrero Ouais, c'est lui. Ouais. qui sortait d'un œuf géant. Enfin, c'est pour Putain. moi, c'est un des pires moments de l'histoire du catch, mais bon, ça vaut l'accouchement de Mae Young avec la main. Enfin, c'est dans ce style-là. Donc, bon, le plus grand fan de ce personnage, c'est Bruce T, donc il va nous en parler vite fait. Ouais, bah, j'ai rêvé d'être sous ce costume, donc en effet, ouais. Non, c'était une catastrophe, et puis c'est vrai Parce que on a eu le faut fil savoir que rouge. oui, faut savoir que Bruce Lee aime bien être masqué pour pas qu'on voie sa tête. Oui, Donc en il effet. rêve d'être sous un d'être une dinde géante. Le problème, Ouais, c'est qu'il est surtout pas que très finalement, grand, ça sera bien. donc ça sera juste une dinde. Oui, une petite dinde, oui, voilà, un dindono, quoi. Un dindon. Mais bon, voilà, c'était complètement idiot, imbécile. Enfin, surtout le coup du fil rouge en nous montrant l'œuf, et puis même Minjin Okerlun qui avait un petit peu de mal, surtout à se dire même lui-même, c'est de la merde, un petit peu, il devait s'y Alors, faire. je Hein. te coupe 2 secondes, Bruce T. Si vous voulez voir un truc hilarant sur Gene Okerlund, faut regarder le dernier Botch Mania, où il y a une session des interviews, ce qui n'a pas été montré à l'époque à la WWF, de Mean Gene, qui insulte à peu près tous les catcheurs qui l'interviewent. C'est, je sais pas si vous l'avez vu, les gars, J'ai pas vu. mais j'ai pleuré de rire, mais c'est énorme, quoi. Genre, les mecs, ils commencent à les interviewer, il leur dit « Go fuck yourself », et ils éclatent en fou rire. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est à l'époque, il y avait beaucoup de segments backstage, des petites interviews qui étaient enregistrées généralement avant le show. Et du coup, ils pouvaient s'amuser à faire des prises et des prises et des prises. Et Min Jin, il aimait bien faire chier les autres pour qu'ils perdent leur sérieux, quoi. Non, franchement, c'est à voir, hein. C'est à voir. Bref, Donc Brusty. voilà, avec Minjin très très gêné tout du long du segment de la soirée même, vu qu'il était tout le temps à côté de l'œuf. Donc ouais, ça a fait un flop total, il s'attendait sûrement pas à cette réaction, mais bon voilà, c'était tellement pathétique. Même bon, Hounsou et Piper ont essayé de hyper là un petit peu, mais c'était n'importe quoi, le public était horrifié. Ouais voilà, une espèce de dinde, franchement, le pire déguisement de dinde possible, moi je suis désolé mais j'ai les meilleurs déguisements de dinde. Non, c'était pour T'as Thanksgiving, donc juste à t'habiller en fait, quoi. voilà. Non mais en effet ouais. Et non mais c'était cette dinde, elle aurait pas dû être graciée ce jour-là, quoi. On le sait, c'est la tradition aux États-Unis de gracier dinde ce Oui, parce jour-là. qu'il faut savoir aussi que c'était Survivor Series avait lieu le jour de Thanksgiving. Donc du coup on sait qu'aux États-Unis c'est C'est la très tradition. important, Ah très oui. important. Et il me semble que j'avais vu un DVD de Eddie Guerrero Story. Et Hector, il disait justement qu'il était persuadé que ce personnage allait plaire aux enfants et que ça allait genre relancer sa carrière. Mais bon, Ah mais je pense. il pensait ça jusqu'à ce que l'œuf est clos. Oui, voilà, non, mais ça a été une catastrophe. Le pire, c'est qu'ils l'ont fait revenir, ce personnage-là. Ils l'ont fait revenir pour WrestleMania 17, dans la bataille royale des anciens, parce qu'il y avait une bataille royale organisée à WrestleMania 17 Oui, pour, des gimmicks, oui. voilà, bon, des gimmicks, avec les légendes, tout ça, des gimmicks, et puis il est revenu, la dinde géante en Corse Oui, où, mais c'est là où la WWF, ou WWE, peu importe les périodes, est forte, c'est que quand ils se manquent, ils sont capables quand même de se foutre de leur gueule à voilà. eux-mêmes, quoi. Voilà, Et c'est là, clair. c'est assez. Là, C'était du très coup, ça comique à ce moment-là. devient second degré, c'est assez Et marrant. complètement. Ah oui, parce que dernièrement, ils ont fait un article sur les pires gimmicks. Ah oui, il y avait du. Ah, il y a du matos, hein, c'est J'étais clair. triste de voir qu'il y avait Bastian Booger dedans, mais bon. Pour moi, c'était la meilleure gimmick de tous les temps. On va passer aux notes, hein, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. À moins que Broussi ait quelque chose à rajouter sur son idole. Non, non, c'est bon, là, on a assez parlé de Enfin, on va passer aux notes. Renaud, ta note. Je vais mettre 4,5 sur 10. À 4,5 quand même. Ça pique. Ouais, je vais mettre 4,5 pour les trois premiers matchs, et puis après, ça, bon, ça sert à rien de regarder, quoi. D'accord. Moi Ouais, aussi. 4,5. Bah, moi, je vais être plus généreux pour une fois. Je vais mettre 5, la moyenne, ouais, parce que quand même, il faut mettre la prime au début de l'Undertaker, et puis 2-3 matchs sympas dont on a parlé qui étaient au début. Sinon, ouais, la deuxième partie du show est catastrophique, même avec ma dame préférée, donc 5. Moi, je vais mettre 5,5 pour trois raisons. La première, l'Undertaker. La deuxième, Bret Hart, qui est assez kiffant. Enfin, il y a quand même plein de moments assez sympas, surtout sur les deux, trois premiers matchs. Et la troisième raison, et qui est la plus importante, c'est que au moins, j'ai pas besoin de sortir la calculatrice. J'ai été... Là, j'étais sûr aussi. voilà, donc ça fait une moyenne de 5 pour ce pay-per-view. Alors, on vous conseille, si vous avez envie de perdre un petit peu de temps, de ne pas regarder le pay-per-view entier, de regarder les deux premiers matchs. C'est bon, les gars, ça suffit. Ah oui, surtout le deuxième. Voilà. Vous regardez les deux premiers matchs, donc le premier en premier, le deuxième en deuxième, et ça vous fera votre main event de la soirée, tout va bien. Donc, on fait un gros bisou à Mark Calloway, aka l'Undertaker, pour ses 25 ans de carrière. Donc, dans 10 jours, ça lui fera 25 ans de carrière. Énorme. Et c'est un grand monsieur, quand même. Franchement, on peut dire quand même un petit mot de l'Undertaker. On va pas faire une longueur parce qu'on va en parler dans quelques jours Ah oui, surtout pour qu'il le fera live 25 sur ans Raw jour pour cette jour, c'est ça qui est assez marrant aussi. C'est une gimmick, franchement, je pense qu'ils y croyaient pas, ils y croyaient pas, enfin, je sais pas comment dire, ils croyaient pas qu'elle allait être aussi mythique 25 ans après cette gimmick, je pense. Tu sais que... Oui, je pense que j'allais parler de la même chose que toi, mais vas-y, Renaud. Ah ben je voulais te dire pour la gimmick, et tu sais Ouais. que ben Hogan était là ce jour-là, c'était dans les bureaux de Vince McMahon, et puis Taker était venu parce que Taker était apparu dans un film avec Hulk Hogan, et qui est une catastrophe ambulante. Je sais même plus comment ça s'appelle, Super Commando, je sais plus quoi là. Et il fallait des adversaires à Hogan dans le film, il fallait deux Martiens, et puis parmi les deux Martiens, il y a Taker qui était là. Et puis Rien que après. le pitch du film, ça donne pas trop envie de voir. Ouais, ça Il voilà. fallait deux martiens pour. Ouais, tu te rends compte un peu. Et puis il s'est retrouvé dans les bureaux de Vince McMahon après ça, et Vince McMahon lui a dit, bon, écoute, tu seras l'Undertaker. Tu seras le personnage Undertaker et tout. Puis il y avait Hogan qui était là. Hogan à ce moment-là était très très très très haut. Et il s'est tourné vers Vince, il lui a dit, c'est pas possible. Ça va pas marcher, tu peux pas faire un gars comme ça, une gimmick comme ça maintenant, là, et ça va pas marcher le truc Undertaker. McMahon lui a dit, non, non, t'inquiète, on va essayer, moi je le sens bien. Donc c'est là qu'on voit que c'est un visionnaire aussi. Et puis Undertaker qui a vraiment géré Oui. parfaitement aussi sa gimmick, hein, c'est toujours Oui, pareil. Renaud, tu dis c'est un visionnaire, mais dans la même soirée, il te sort une dinde géante et l'Undertaker. Bon, forcément, dans la Bon, masse, moi il je peut y pense avoir qu'il des. pariait plus sur Adam, Et... mais bon. Non, bien sûr qu'il C'est s'est ça le loupé. pire. C'est ça le pire, c'est que je suis sûr qu'à la base, il avait plus de kiff envers la dinde qu'envers l'Undertaker. Mais C'est bon. fort possible. Non, mais il lançait tellement de trucs que forcément, il y a des réussites. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, comme il y a des loupés, la preuve. Ah ouais, voilà. C'est ça le truc. Mais en attendant, Mark Calloway a hyper bien géré son personnage et a eu une carrière exceptionnelle au Mais niveau. bon, toi, t'es vachement calé et catch des années 80, surtout à la WCW et à la NWA. Il y a des bons matchs, hein, comment il s'appelait? Min Mark Callous, c'est ça? Ouais. Franchement, moi, j'en ai vu un ou deux, c'est quand même pas mal. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, on a du mal à dissocier le mec de l'Undertaker. Donc, t'as quand même envie de voir l'Undertaker, même s'il est juste en slip et en bottes, ça fait un peu bizarre, mais franchement, moi je trouve qu'il avait déjà un truc, hein. Il y C'est avait un peu déjà. pareil, c'est un peu pareil pour Kane, hein. Quand on regarde Kane, on a du mal à se dire Kane il a commencé avant 97 en fait. C'est ouais, parce qu'on parle du là, personnage Kane. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que l'Undertaker quand même, c'est absolument exceptionnel, une gimmick aussi forte qui peut durer aussi longtemps et même des modifications assez fortes aussi quand même de sa période ouais, badass. Complètement. Non, donc ouais, ça quand même, c'est ouais, assez la période énorme. badass. La période Voilà. badass, elle est exceptionnelle aussi, hein. Sincèrement, elle est Mais exceptionnelle. ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il peut plus être heel, ce mec. Oh Alors, on non. a vu dans sa rivalité contre Lesnar, là, il a essayé de jouer au heel, mais bon, il peut pas. Même avec des coups bas, il n'arrive pas à être heel. Et je trouve que c'est là où on voit que le personnage prend le pas sur tout le reste, quoi. Dernière fois qu'il était heel, c'était en 2002. Donc, ça remonte. Ça remonte. En 2002, il avait une petite rivalité, en tout cas un début de rivalité contre DDP, il me semble. Ouais, c'était 2001, c'était pour le King of the C'est Ring. pas À l'été 2001, c'est à l'été 2001. l'été 2001. Okay. Donc on a placé deux fois DDP. Si on le dit une troisième fois, il va réapparaître comme Beetlejuice. DDP? Spring Stampede. Bon, bref. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée si vous nous écoutez le soir, une bonne matinée si vous nous écoutez le matin. Bon courage si vous nous écoutez en faisant votre jogging. Surtout que là, c'est pas un catch-moi si tu peux. Il faut courir pendant à peu près 1 heure, hein, si vous voulez écouter le pod en entier. N'oubliez pas donc Wrestles Radio, parlons catch, la page Facebook. Wrestles Radio sur Twitter, @Wrestles Radio. C'est à peu près tout, hein. Pigeon voyageur, non? Non, on n'a pas. Non, on n'a pas. On n'a pas de dinde voyageuse non plus. Trop lourde. On vous donne rendez-vous le lundi après Survivor Series à 22h30 pour le live. Le 23. Le 23, non, 23, oui, bien sûr, le 23. Donc après le Survivor Series, c'est bien ce que je dis. Pour le live qui couronnera un nouveau champion de la WWE après la tragique blessure de Seth Rollins. et donc surtout quand même l'Undertaker peut-être là en son dernier combat, même si je crois pas que ce sera son Ah dernier. non, moi je pense pas que ça se passera à Survivor Series les derniers. C'est marrant de boucler la boucle 25 ans jour pour jour, mais Vous pouvez retrouver le Catch-moi si tu peux, justement, où on débat un petit peu du Survivor Series en 2015. Vous pouvez retrouver tous les Catch-moi si tu peux, d'ailleurs. C'était le cinquième numéro, donc vous avez cinq numéros à rattraper si c'est pas fait. Bande de petits chenapans. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit, ou pas. Et à dire au revoir à mes Brothers of Destruction, Brucey et Renaud. salut les amis. Salut, salut, ciao, ciao. Ciao. Si tu es fan comme moi du Big Boss Man, n'hésite pas, abonne-toi à Wrestles Radio, un conseil du coach Courbis.